Pierre Passot, bonjour. Vous avez dit aussi une formule assez inquiétante, la presse doit diffuser des idées saines. Des idées saines. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne faut pas travailler, et il faut, faut gagner beaucoup d'argent. Il ne faut pas travailler, et il faut, faut gagner beaucoup d'argent. Il ne faut pas travailler, et il faut, faut gagner beaucoup d'argent. Il ne faut pas travailler, et il faut, faut gagner beaucoup d'argent. Nous sommes en train de descendre vers un gouffre, parce qu'on ne voit pas, parce qu'on vit dans... Thank you.